Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 1976, la catastrophe de Seveso en Italie, qui nous renvoie également à la journée du 26 septembre dernier en France. Au petit matin, ce jour-là, Rouen se réveillait au son des sirènes, sous un épais nuage noir, dans une odeur d'enfer. Quelques heures plus tôt, au beau milieu de la nuit, un violent incendie s'était déclaré au sein de l'usine chimique de l'entreprise américaine Lubrizol. Depuis 2009, ce site industriel est classé Seveso Seuil Haut. Seveso, un mot qui fait frémir. Mais de quoi est-il le nom exactement ? Avant d'être le synonyme d'une réglementation européenne sur les risques industriels, Seveso, bourgade italienne de Lombardie, a d'abord été le théâtre d'un drame qu'on aurait pu éviter. L'histoire d'une catastrophe industrielle qui, bien avant celle de Bhopal en Inde ou de Tchernobyl en Union soviétique, fut la première à frapper l'opinion. Aujourd'hui, elle n'évoque plus grand-chose, peut-être parce que, officiellement, elle ne fit aucune victime directe. Ce serait oublier les évacuations en catastrophe, les 193 enfants au visage couvert de pustules, les avortements en série, les habitations rasées, les 220 000 personnes placées sous surveillance médicale, l'abattage de 77 000 têtes de bétail et l'abattement des riverains. Pour toutes ces raisons, Seveso marquera le début d'une prise de conscience de la dangerosité de certains sites industriels. Notre invité aujourd'hui, Patrick Lagadec, directeur de recherche honoraire à l'École Polytechnique, spécialiste des risques majeurs et des situations de crise. Son dernier livre, intitulé « Le temps de l'invention, femmes et hommes d'État aux prises avec les crises et ruptures en univers chaotique », c'est précis, a été publié en juillet dernier aux éditions Préventiques. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Samedi 10 juillet 1976. À mi-chemin entre Milan et Côme, sur l'autoroute qui pique droit au nord, vers les Alpes et les lacs, un panneau indique la sortie Seveso et Meda, petite ville périphérique. En bordure de route, les champs de blé et de maïs ont peu à peu laissé place aux usines, formant l'un des longs tentacules industriels de la capitale lombarde. Ici, on vit encore entre deux âges, un pied dans la terre, un pied dans la grande marche du progrès. Dans la torpeur estivale d'un samedi ensoleillé, Stéphania et Alice Seno, 2 et 4 ans, jouent sur la terrasse de leur maison de Meda, comme deux sœurs bien sages. Leur mère est à l'intérieur et prépare le repas. Il est midi 37, quand soudain, le soleil se voile. Un immense nuage blanc, dense et puant, envahit le ciel, la terrasse, la cuisine. Des paillettes de poudre blanche se répandent comme la bruine sur les arbres et sur l'asphalte et sur le couvert que cette maman italienne a si bien dressé dans le jardin. Madame Seno se précipite alors dehors, empoigne ses deux gamines et se calfeutre à l'intérieur. De la fenêtre, elle observe les panaches de fumée rougeâtre qui jaillissent de la cheminée de l'usine voisine Ikmeza, située à une centaine de mètres seulement. Stéphania, la plus petite de la famille, a presque tout oublié de cette journée qui pourtant va bouleverser sa vie. 30 ans plus tard, et pour la première fois, elle remonte le temps au micro de la télévision suisse TV Svizzera. Le 10 juillet 1976, je venais juste de fêter mon deuxième anniversaire et je ne me souviens plus de rien de ce jour-là. Ma mère m'a dit qu'elle, elle se souvient qu'il y a eu un gros nuage. Mais on sait bien que dans les zones industrielles comme ça, il y a souvent ce genre de fumée. Donc elle n'y a pas accordé beaucoup d'importance, même si dans l'air, il y avait une odeur particulièrement âcre. Debout depuis presque 20 ans, on l'oublierait presque, l'usine Ikmeza avec ses briques rouges, ses citernes blanches, ses allures de pénitencier. Elle appartient au décor. Elle appartient surtout au groupe Givaudan, filiale de la multinationale suisse Hoffmann-La Roche, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde. 200 ouvriers travaillent ici dans la fabrication de produits chimiques, pour la parfumerie, les cosmétiques, l'industrie pharmaceutique. Un marché juteux. De temps à autre, Ikmeza se rappelle à tous avec son odeur de soufre et de chlore. Mais en ce 10 juillet 76, elle a presque disparu sous le nuage de fumée. Ce jour-là, aucune fabrication dans l'usine. La dernière équipe a quitté les lieux à 6 heures du matin. restent une dizaine d'employés, ceux de l'entretien et du nettoyage. Ils sont en pause déjeuner. Lorsqu'ils sont surpris par une sourde détonation, un long sifflement, puis les murs se mettent à trembler. Alors, comme un seul homme, il court à l'extérieur de l'usine, poursuivi par l'épais brouillard blanc qui envahit désormais toutes les rues de Méda. Prévenu par téléphone, Clémenté Barny, responsable adjoint de la production de permanence ce jour-là, arrive sur les lieux une demi-heure plus tard. C'est dans le hangar B de l'usine que ça se passe, là où est fabriqué le trichlorophénol, un produit intermédiaire qui sert notamment à la fabrication d'un défoliant, le 2,4,5-T, utilisé pour les herbicides. Charmant. Il se trouve que la cuve 101 est en surchauffe. Une réaction chimique s'est emballée, la température s'est brusquement élevée et la soupape de sécurité a sauté. Masque à gaz sur le nez, Clémenté Barny active le système de refroidissement. À 13h45, une heure après le début de l'incident, la fuite est stoppée. Ouf ! Mais entre-temps, le nuage chimique, poussé par une brise légère, avance lentement mais sûrement vers le sud et plus particulièrement à Seveso, commune de 17 000 habitants, voisine de Méda. Ici aussi, le soleil s'est voilé, l'air est nauséabond. Mais à vrai dire, personne n'y prête vraiment attention. Dans la plaine lombarde, le ciel est brumeux 8 mois de l'année, continuellement aspergé par les 1000 usines alentour. La fumée, c'est le travail. Et le travail, dans la plaine lombarde, c'est sacré. Alors, on profite du week-end comme si de rien n'était, ou presque, avant la reprise du lundi matin. Mais à Ikmeza, comme dans toute la plaine lombarde, les ouvriers sont sur le pied de guerre, comme le raconte l'écrivain John Fuller dans son livre « Seveso ou la ville empoisonnée ». Le lundi matin, tout semblait redevenu normal à l'usine. Cependant, on avait condamné les abords du réacteur. Les ouvriers se demandaient ce qui avait bien pu se passer, sachant que la soupape de sûreté ne pouvait fonctionner qu'au-dessus de 240 degrés. Ils se disaient qu'il avait dû se produire un échauffement considérable. Mais comme la veille, le vent du nord avait dispersé le nuage, ils n'étaient nullement inquiets. D'autre part, les autorités sanitaires locales constatèrent qu'aucun d'entre eux ne semblait présenter de troubles. Et elles firent donc aux maires de Seveso et Méda un rapport plutôt rassurant. Entre-temps, les techniciens de l'usine recueillaient d'autres échantillons du sol et de végétation pour les expédier à la maison mère en Suisse. Ils opérèrent discrètement et furent peu remarqués. Les jours suivants, les maires de Seveso et Méda informent la population des dernières nouvelles. Selon la direction de l'usine Ikmeza, il s'agirait d'un simple nuage d'herbicides. On déconseille en conséquence de consommer les fruits et légumes du coin. Il faut dire que les potagers n'ont pas fière allure. Partout, les feuilles sont criblées de petits trous. Plus inquiétant encore, on retrouve ici et là des cadavres d'oiseaux morts, comme tombés du ciel. Et puis, ce sont des dizaines de poules, de lapins, de chiens et de chats qui succombent mystérieusement. À Méda, dans la famille Senno, les petites Stéphania et Alice tombent malades. Après les vomissements et les maux de tête, leur visage se couvre de vilains boutons rouges. Oh, sûrement la varicelle, pense leur mère. Mais le 14 juillet 76, 4 jours après l'incident, les médecins de Seveso voient affluer une quantité d'enfants présentant les mêmes symptômes. Après examen, il est clair qu'il ne s'agit pas d'une maladie infantile. Alors quoi? Mais quelle saloperie avait-il donc dans ce nuage d'herbicides? À l'usine Ikmeza, également, l'inquiétude monte un cran. Les ouvriers sentent bien qu'on leur cache la vérité. Depuis une semaine, la direction se borne à déclarer qu'on attend toujours d'Hoffmann Laroche, la maison mère, l'identification de la toxine en cause. Las, les ouvriers lancent un mouvement de grève spontané. Dans la foulée, le 18 juillet, une enquête judiciaire est ouverte et les portes de l'usine sont scellées. Le même jour, Stéphania Senno, 2 ans, est transportée d'urgence à l'hôpital de Milan. Son corps et celui de sa sœur, Ali, sont entièrement recouverts de plaies suppurantes. Quelques flashs me reviennent, comme les prélèvements de sang que l'on me faisait à l'hôpital. Pour ma sœur et moi, ces visites étaient une torture. On souffrait physiquement et on n'avait plus de patience. Les médecins aussi étaient impatients d'avoir les résultats, de poursuivre les analyses. 2 jours plus tard, le 20 juillet 1976, soit 10 jours après l'incident, le Centre de recherche médicale des laboratoires Hoffmann-Laroche annonce enfin les résultats de ses prélèvements aux autorités locales. Et ils ne sont pas bons, non, pas bon du tout. À Ikmeza, ce jour-là, la surchauffe de la cuve 101 dans laquelle est fabriqué le trichlorophénol a provoqué une importante réaction chimique. Entre 300 grammes et 2 kilos, les chiffres sont aujourd'hui encore sujets à débat, d'un produit nommé TCDD, tétrachlorodibenzodioxine, charmant celui-là aussi, appelé communément dioxine, s'est formé et répandu dans l'atmosphère. Dioxine. À cette époque en Europe, c'est presque un mot nouveau. Les Vietnamiens, eux, le connaissent bien. Ce gaz toxique entre dans la composition du fameux agent orange massivement épandu par l'armée américaine entre 1961 et 1970. La dioxine est en effet une substance redoutable. L'un des poisons les plus violents qui soit. 10 000 fois plus toxique que le cyanure, dont les pilules sont pourtant connues pour ne faire passer de vie à trépas. C'est dire. Chez l'homme, elle peut causer de graves lésions hépatiques ainsi qu'une maladie de peau, le chloracné, qui se déclare parfois à retardement, des semaines voire des mois après le contact. Des expériences sur les animaux ont aussi montré qu'une légère exposition provoque des anomalies sur l'embryon, voire des altérations des chromosomes. À Seveso désormais, le pire est à venir, semble-t-il, et l'incident devient alors catastrophe. Après la révélation de la présence de dioxine dans les nuages contaminés, le directeur et le sous-directeur de l'usine Ikmeza sont interpellés par la justice italienne. La presse nationale et internationale se réveillent. Le 23 juillet, soit 13 jours après la catastrophe, la France découvre le nom de Seveso. Un redoutable problème de pollution inquiète population et autorité à Seveso en Italie. Un nuage toxique plane au-dessus du village, c'est du triclophénol qui sert à fabriquer des défoliants. 28 personnes ont été intoxiquées, mais on les a soignées à temps. Un orage est tombé, le nuage est disparu, le triclophénol se trouve maintenant dans le sol. Les lapins ont mangé de l'herbe et ils en sont morts. Alors, on a interdit aux habitants de Seveso de consommer leurs légumes. Pendant 2 jours, des pluies diluviennes s'abattent sur toute la plaine lombarde et d'aucuns pensent qu'elles pourront laver le terrible poison, ces pluies, hélas. La dioxine n'est pas soluble dans l'eau. Elle s'infiltre, au contraire, perverse, dans les sols, jusqu'à 14 cm. Alors le ping-pong entre experts et industriels commence. Pour Guy Van Vogel, le boss de Givaudan, la société suisse propriétaire de l'usine Ikmeza, c'est « dormez tranquille, braves gens ». C'est-à-dire que le produit que nous produisions n'était pas terriblement toxique, c'était le trichlorphénol. Nous savions qu'en fabriquant le trichlorphénol, il pouvait y avoir certains dangers d'impuretés qui, elles, pouvaient être toxiques, et c'est celle-là qu'il fallait surveiller, et ça, nous l'avons fait. On a vous posé un problème qui, dans un pays comme l'Italie, où vous avez une énorme industrie chimique, qui est celui des dangers de l'industrie chimique. Malgré ces bonnes paroles, à Seveso et à Meda, mais aussi dans les communes voisines de Cesano, Maderno et Desio, les autorités locales sont aux abois. Que faire maintenant? Des premiers postes de secours sont installés, certes, mais seront-ils suffisants? Faut-il évacuer la zone? Et quelle zone? Jusqu'où la dioxine s'est-elle répandue? Des milliers de gens pourraient être intoxiqués. Les premiers éléments de réponse sont alarmants. Le 24 juillet, le gouvernement annonce l'évacuation de la zone A, la plus contaminée, attenante à l'usine. 2 jours plus tard, 225 habitants de Seveso et Meda doivent plier bagages, laissant derrière maisons, mobilier, linge et même animaux de compagnie. Jusqu'à quand? Personne ne peut le dire. La panique cède alors la place à la colère. Nous avions des plantes, des oiseaux, une maison. Qui empêche le progrès? Nous, les savants sont tous des salauds. Tous. Faire de l'argent, faire du mal aux gens, c'est tout ce qu'ils savent faire. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est pour que les gens gagnent de l'argent que nous nous retrouvons dans cette situation. Le malheur est venu des hommes. Et questa non è una calamità naturale, non è un terremoto, un'alluvione, un'inondazione. Questi sono fatti voluti. Peu après cette première évacuation, un bataillon de l'armée déroule autour de la zone A une clôture de barbelés, surveillée par des sentinelles. Seuls les vétérinaires et quelques volontaires munis de combinaisons et masques à gaz sont autorisés à y pénétrer pour nettoyer le périmètre. Adieu poulets, canards, lapins, moutons, chèvres et bovins, des dizaines de milliers d'animaux sont sacrifiés. Les évacuations d'habitants, elles, se poursuivent et la ville morte s'agrandit. Le 27 juillet, les autorités sanitaires annoncent, je cite, que les limites du secteur contaminé sont en réalité beaucoup plus étendues qu'on l'avait soupçonné. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. À la fin du mois de juillet, le bilan de la catastrophe est communiqué. 7 communes touchées, dont 4 sévèrement, 737 personnes évacuées, 600 consultations médicales par jour, 358 hectares contaminés sur 1400 surveillés, 77 000 têtes de bétail abattues, des récoltes brûlées, des activités agricoles interrompues. Stéphania et Alice Sénaud, elles sont toujours hospitalisées à la clinique Niguarda de Milan. Comme une vingtaine d'autres enfants atteints de chloracné, les deux sœurs ont les jambes, les bras et le visage couleur écrevisse. Envahie de centaines de pustules, la peau se détache. Lambeau. Photographiée par Mauro Galigani, l'image de Stéphania, 2 ans, hurlant de douleur, le visage tuméfié, va bientôt faire le tour du monde et devenir l'un des symboles de la catastrophe. L'autre image restée dans les mémoires est celle de ces femmes enceintes, confrontées bien souvent pour la première fois à la question de l'avortement, alors interdit dans la très catholique Italie. Mais au lendemain de la catastrophe de ce vaisseau, de nombreux spécialistes mettent en garde sur le risque de malformation du fœtus, comme le bien nommé docteur Miedico, interviewé par Antenne 2. Comme dans le cas de la thalidomide, on pourra voir naître des enfants sans bras, sans yeux, avec des organes auditifs défectueux, etc. Disons qu'il y a un certain pourcentage de risque. Déjà en temps normal, sur 100 accouchements, 2 ou 3 enfants peuvent présenter des altérations. Nous avons la certitude, basée sur toute une littérature scientifique et sur l'expérience du Vietnam, que ce pourcentage augmentera. Nous ne savons pas dans quelle proportion, mais ce pourcentage augmentera sûrement. La catastrophe de Seveso prend alors un tournant politique et relance l'épineux débat de l'avortement en Italie, autorisé seulement dans le cas où l'accouchement présente un danger pour la santé physique ou psychique de la mère. Or, dans le cas de la dioxine, il ne s'agit pas de la mère, mais de l'enfant. Pourtant, le 2 août 1976, le ministre de la Santé, un chrétien démocrate, autorise les 190 femmes enceintes de la zone contaminée à interrompre, si elles le souhaitent, leur grossesse. Le Vatican s'étouffe et le fait savoir. Et c'est alors qu'une guerre locale, d'hôpital à hôpital, voit le jour. Certains médecins refusent de pratiquer ces avortements thérapeutiques, quand d'autres y voient au contraire un engagement politique. Le 13 août, 3 premières interruptions de grossesse ont lieu dans une clinique milanaise. Au total, elles seront une quinzaine. Mais pour toutes, c'est un terrible dilemme. Garder l'enfant au risque du handicap ou le perdre malgré les chances que tout se passe bien? Pour l'avortement comme pour le reste, Seveso devient alors un révélateur des problèmes de l'Italie et des autres. Oui, dans le monde entier, on prend conscience alors qu'une catastrophe industrielle comme celle-là peut survenir à tout moment, n'importe où, chez nous, que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est comme ça. Et comme le dit Renaud dans une chanson où sa fille lui explique le monde tel qu'elle le voit, c'est quand qu'on va où. Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fait qu'il y a de voir à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. Dis kilos d'indispensables, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Mais maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Sept mois se sont écoulés, et pourtant on reparle de Seveso comme si le nuage de dioxine venait à peine de s'échapper de l'usine Ikmeza. C'est que la dioxine s'est de nouveau manifestée, d'une façon particulièrement cruelle, sur le corps des enfants et des adolescents de Seveso. Car la dioxine, c'est aussi cette maladie de la peau, cette espèce d'acné juvénile qui n'en est pas une, et qu'on appelle chloracné parce qu'elle serait due au chlore contenu dans le nuage toxique qui s'est abattu sur Seveso. La réaction des autorités locales a été immédiate. Fermeture et désinfection de toutes les écoles. Mais il faut bien préciser désinfection et non pas décontamination, puisque personne n'a encore trouvé le moyen de détruire complètement la dioxine. Pourquoi n'a-t-on pas décelé la dioxine plus tôt? Qui est responsable? Le maire de Seveso se cache derrière les autorités régionales. La région semble dire « voyez le gouvernement ». Et le gouvernement met en cause la fatalité. Seveso, fatalité pour les uns, inquiétude pour les autres, et pour tout le monde, immense lassitude. En février 77, 7 mois après la catastrophe, les mauvaises nouvelles continuent de pleuvoir. Chez les réfugiés de la zone contaminée, on dénombre désormais 130 cas confirmés de chloracné infantile et 6 cas de malformation du système digestif chez les nouveaux-nés. La faute à la dioxine, aucun médecin ne peut l'affirmer. Dans tous les domaines d'ailleurs, c'est le règne de l'incertitude. Pour les autorités italiennes, la question la plus pressante est celle de la décontamination des sols et des maisons dans la zone sinistrée. S'il y a eu d'autres catastrophes industrielles avant Seveso, aucune des méthodes employées dans le passé n'ont été concluantes, pas encourageantes. On craint surtout, sans trop le dire, que le gaz toxique se soit enfoncé jusqu'à 25 cm de profondeur et qu'il finisse par atteindre la nappe phréatique. Alors, les propositions des scientifiques fusent, aussi obscures que contradictoires. Certains suggèrent de brûler des hectares de plaines et de maisons lance-flammes, genre bataille de Stalingrad. D'autres préconisent de pulvériser sur la région un mélange à base d'huile d'olive, susceptible, sous l'action du soleil, de décomposer en partie la dioxine. Visiblement, les savants tâtonnent et les hommes politiques sont suspendus à leur jugement. Que peuvent-ils faire d'autre? Finalement, le 15 février 77, Cesare Golfari, président du conseil régional de Lombardie, présente le plan de décontamination adopté. Selon nos experts, nos techniciens, il n'existe aucune méthode physique ou chimique pour détruire la dioxine. Il y a seulement un moyen mécanique, manuel, pour la destruction de ce produit. Il faut donc un four d'incinération à température très élevée. C'est le seul moyen d'avoir un résultat positif pour la décontamination. Dès le lendemain, les grands travaux de décontamination commencent. Ils devaient durer un an, ils en prendront cinq. Une entreprise titanesque. Dans la zone A, couvrant 110 hectares sur les communes de Méda et de Seveso, toute la végétation jusqu'à la moindre brindille est systématiquement coupée, arrachée et emballée dans des grands sacs plastiques. La terre elle-même est enlevée sur une profondeur de 25 cm à l'excavatrice et au bulldozer, puis recouverte de nouveaux sols. L'intégralité du réseau routier et des trottoirs est renouvelée. Dans la zone B, soit 270 hectares sur les communes de Cesano, Maderno et Tesio, seuls les jardins publics et privés sont raclés, tandis que sur le territoire restant, le sol est labouré et ensemencé pour diluer la dioxine. Mais partout, les charognes sont ramassées et entassées dans des fûts. 80 000 cadavres d'animaux sont ainsi entreposés dans l'enceinte des Kmeza. Dans les maisons, même opération. La poussière toxique est aspirée, les murs lavés au détergent, certains vêtements et objets emportés, promis au rang de mauvais souvenirs. Tous ces matériaux contaminés, 100 000 tonnes de terre comprises, devaient être initialement brûlés dans un gigantesque four. Mais l'idée a dû être abandonnée par crainte de nouvelles émissions de vapeurs toxiques dans la région. Une fois, ça suffit, basta, comme disent les Italiens. Pour une partie des déchets, on opte alors pour l'ensevelissement. Deux bassins étanches d'une capacité totale de 200 000 mètres cubes sont construits sous la zone A. Un espace semblable à un no man's land, entouré des barbelés, un air et une aire de fin du monde pour ceux qui restent. Comme la raconte cette jeune fille de 19 ans, interrogée par la RTBF. C'est une image horrible. Autrefois, cette région n'était pas du tout comme ça. C'était un endroit très beau, avec beaucoup de verdure. Et il a été ravagé par l'industrie, en particulier par l'ICMES à la roche. Avec ses fumées, elle a provoqué tous ces désastres sur les personnes et sur le territoire tout entier. Et pour ce qui est des conséquences, il y a celles qui sont visibles maintenant, et puis il y a celles qu'on découvrira dans quelques années, dans quelques dizaines d'années. Dieu sait quand. Nous vivons dans la peur. La peur d'avoir des enfants, de manger des choses polluées, de respirer. On a peur que personne ne nous aide à comprendre. Sauf quelques personnes avec peu de moyens. En 1982, la catastrophe de Seveso revient sur le devant de la scène dans une version pour le moins rocambolesque. Au mois d'août de cette année-là, 6 ans donc après le drame, le groupe suisse Hoffmann-Laroche décide de démonter le cœur de l'usine ICMESA. Tous les déchets qui ne peuvent être ensevelis, soit tout de même 2,5 tonnes de matériaux imprégnés de dioxines et de résidus chimiques, sont conditionnés dans de grands fûts numérotés. 41 au total. Chargés dans un camion, ils prennent alors la route pour Bâle, en Suisse, où ils doivent être incinérés dans l'usine Siba. Mais le 13 septembre, passé Ventimiglia et la frontière franco-italienne, les fûts de dioxines disparaissent. La traque, car c'est vraiment une traque, va durer 9 mois. Une chasse aux poubelles qui passionne l'opinion. À chaque jour, son nouveau feuilleton. On retrouve d'abord la trace du passage des fûts à Saint-Quentin, en Picardie, chez Bernard Paringot, spécialiste de l'élimination des déchets industriels. Bien, sauf que les fûts n'y sont plus. Un juge d'instruction, mais Paringot en préventive, lequel refuse de parler. « J'ai rien dit à la Gestapo, alors c'est pas avec vous que je vais commencer », aurait-il dit. Bon. Puis les signalements, plus ou moins anonymes, se multiplient, repris par la presse, comme un grand jeu de pistes. On aurait vu les fûts en Charente, puis en Grande-Bretagne, en Belgique, au Danemark, la grande vadrouille, quoi. Surgit une autre hypothèse, redoutée par les écologistes, celle-là. Et si les fûts avaient été jetés à la mer? Pas de traces, pas de frais, pas vu, pas prêt, on a déjà vu. 9 mois plus tard, le 20 mai 1983, la cavale prend fin. Anguillecourt, dans l'Aisne. Il est 17h. À 20 km de Saint-Quentin, où on avait perdu leurs traces depuis le 13 septembre, on retrouve les 41 fûts de Seveso. Ils sont dans l'abattoir désaffecté de cette boucherie-bistrot appartenant à un retraité, Monsieur Droit. La nouvelle se répand tout de suite dans le village. C'est installé là? Oui. C'est entreposé dans, Dans son ancien... Vous avez trouvé ? L'abattoir, oui. Ah, alors, non. Et vous, madame, vous étiez au courant ? Bah non, pas au courant. On suivait un peu à la télé, mais enfin, on n'était pas... On pensait jamais que ça serait arrivé ici, hein. Elle a vu, la vérité. Non, nous, on n'a rien vu du tout. Nous, on pouvait pas voir, comprenez-vous, parce que le camion, vous l'avez vu, il passait là, il est dans le fond. Et vous avez vu un camion, alors, Non, on n'a rien vu du tout. La longue traque est donc terminée. La piste française était finalement la bonne et les fûts baladeurs peuvent reprendre leur route pour Bâle où ils sont incinérés devant témoins. Pourtant, plusieurs biologistes émettront des doutes sur leur destruction réelle. Des différences de tonnage et de diamètre des contenants sont en effet constatées entre les fûts partis d'Italie et ceux détruits en Suisse. L'hypothèse retenue par ces mêmes biologistes est que les vrais déchets contaminés auraient été envoyés en Allemagne de l'Est, ou en Somalie, pour moisir à l'abri des regards. Au total, la multinationale Hoffmann-Laroche, maison mère d'Ikmeza, n'aura déboursé que 183 millions d'euros pour réparation, dont la majeure partie aura été utilisée pour l'assainissement du territoire. Côté pénal, en septembre 86, la Cour d'appel de Milan condamne seulement deux personnes, Hervig von Sveel, ancien directeur technique d'Ikmeza, et Jörg Sambet, ancien directeur technique d'Hoffmann-Laroche. Reconnus coupables d'omission de mesures de sécurité et de catastrophe par imprudence, ils écopent respectivement de 2 ans et 18 mois de prison avec sursis. Le procès civil, lui, ne se conclut qu'en 2006, 30 ans jour pour jour après le drame, avec dédommagement financier pour les victimes. C'est aussi le temps que mettra Stéphanie Asseneau pour réussir à parler publiquement de son histoire. La photo d'elle, enfant, insoutenable de douleur, avait fait le tour du monde. Après, elle a tout fait pour oublier, loin d'Ikmeza, loin du malheur. Enfant, il revenait pourtant chaque jour ce foutu malheur dans la bouche de ses camarades qui se sont tant moqués de ses cicatrices tenaces. Tous les matins, je me réveillais et je me disais « Mais non, Stéphania, ce n'est qu'un cauchemar ». Parfois, avant de me lever de mon lit, je me touchais le visage et je me rendais compte que c'était bien la réalité. D'autres fois, j'attendais d'être devant le miroir pour me regarder et pour me rendre compte que tout cela est bien réel. Et alors là, je me sentais mourir. Je n'exagère pas. Vraiment mourir. 4 opérations chirurgicales plus tard, la vie a repris ses droits pour Stéphania comme pour ses vaisseaux. Avec le temps, la ville est redevenue une bourgade tranquille, avec son unique hôtel, son église, son café, ses petits pavillons. Aujourd'hui, en lieu et place du réacteur, on trouve un centre sportif. La zone la plus polluée par la dioxine est devenue un parc naturel boisé. Pourtant, l'incertitude perdure. Les effets du gaz toxique sur la santé des populations touchées font encore l'objet d'études diverses. Selon un bilan officiel, la moyenne de décès liés à des cancers et celle des malformations fœtales n'a pas augmenté de façon significative. Mais d'autres épidémiologistes disent le contraire. Il y a de quoi avoir peur. Voilà la petite musique entêtante qu'on se répétait en boucle hier en Italie et qu'on répète aujourd'hui à Rouen comme on l'a fait également à Toulouse avec AZF en 2001. Et maintenant, c'est quand qu'on va où ? Je regarde autour de moi et je ne vois rien. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. Plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de nez. Plus de mains, plus de jambes, plus de pieds. Mais leur bouche me murmure. Il faut faire quelque chose pour la nature. Je regarde autour de moi et le ciel ne bouge plus. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. L'horizon est sale et le vent s'est tu. Les couleurs se valent, elles n'existent plus. Mais le ciel me susurre. Il faut faire faire quelque chose pour la nature. Il faut inventer des histoires et devenir sourd aux rumeurs. Il faut se remettre à l'air pur et débrancher les transistors. Il faut danser dans l'eau qui dort et parler le langage des fleurs. Il faut donner aux animaux des drogues dures, oublier la fonte des glaces et sans arrêt changer de place. Il faut remettre de la couleur, chanter à l'oreille des morts, ne pas avoir peur d'avoir peur, ne pas avoir peur. Se lancer à l'aventure, être le tout et son contraire, mais ne pas se laisser faire, non, ne pas se laisser faire. Ah, ah, ah, ah, ah, vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, juillet 76, la catastrophe de Seveso. Notre invité, Patrick Lagadec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche honoraire à l'École Polytechnique. Depuis des années, vous travaillez sur la gestion des grandes crises que vous appelez crises hors cadre, hein, qu'il s'agisse de la catastrophe de Seveso ou de celle de Tchernobyl en 1986. Votre dernier livre, intitulé « Le temps de l'invention, femmes et hommes d'État aux prises avec les crises et ruptures en univers chaotique », autrement dit une cata nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on fait, est publié en juillet dernier aux éditions Préventiques. Si je me suis amusé à traduire votre titre, c'est que je voudrais qu'on revienne dessus. Quelle était et quelle est l'intention de ce livre? L'intention, c'est de montrer qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe et qu'on va être confronté à de l'inconnu, soit par la complexité, soit par des phénomènes qui sortent vraiment du cadre habituel. Et donc, le premier défi qui est posé, est-ce qu'on est capable de faire face à des inconnus qui sont pas dans l'ordre un peu habituel des choses, ni même dans les plans de secours, ni même dans les plans d'accident. Est-ce qu'on est capable de se poser des questions, d'aller chercher des surprises que l'on pourrait avoir, et d'être préparé à être surpris, et non pas préparé à appliquer un plan quand ça marche parce que c'est ce qui était prévu. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et le deuxième point, en écoutant tout ce que vous rappeliez ici, qu'est-ce que je peux tisser comme relation avec les populations concernées lorsque quelque chose arrive et sur lequel je n'ai pas totalement la main et qui sort de l'ordinaire? Et donc là, on a au moins deux problèmes en prévention et en intervention en situation. Ça renvoie exactement à ce qui s'est passé à Seveso en 76, parce que pendant 10 jours, il ne se passe quasiment rien. Donc là, c'est vraiment exemplaire. Enfin, c'est le contre-exemple de ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que pendant 10 jours, on peut pas comme ça ne rien faire. Pourquoi on fait rien? Parce que la pathologie naturelle, automatique, réflexe de gens qui ne sont pas préparés à être surpris, c'est immédiatement on ferme les écoutilles. Donc on n'entend plus rien, on ne voit plus rien, on ne sent plus rien, et on est pris par une pathologie immédiate dont il faut que je les rassure, autrement ils vont paniquer. Donc, c'est ça. Je rassure, il ne s'est rien passé. Dormez tranquille, braves gens. Dormez tranquille. C'est un syndrome. Hein. Autrement, moi je ne pourrais plus dormir. Donc c'est ça qu'on entend. Et de l'autre côté, vous avez des personnes en hypervigilance qui vont dire, mais attendez, ils nous disent de prendre nos habits là, mais ce qui me autorise à prendre dans les armoires, c'est ce qui séchait le 10 juillet. Les animaux qui me disent d'abattre, ils sont en train de les mettre chez les bouchers en leur disant qu'on n'a pas d'autre solution. Les 8600 tonnes de déchets qu'ils ont pris, ils sont allés les mettre à Milan. Donc, attendez, je ne comprends plus rien. Et par hasard, est-ce qu'ils pilotent quelque chose? Et puis, s'ils font que reculer, ils ont le courage de la situation en question. Et donc, vous arrivez à un effondrement de la possibilité de dialogue et de confiance entre, d'un côté, la population et l'autre, des gens qui font office d'eux, mais qui sont complètement perdus dans une situation pour laquelle ils n'ont pas été préparés. Et c'est ça qu'on entend. Ça veut dire que le nerf de la guerre, ou l'un des nerfs de la guerre, ça peut être la communication, la parole, l'information, la communication. Ça passe par là, d'abord. Après, faut pas se tromper, hein. Faut que cette information, elle soit bien structurée, qu'elle n'affole pas, qu'elle soit pas alarmiste, mais qu'elle soit alarmante, si la situation existe. Donc, est-ce que ça passe par là, par les mots? Ça va passer par les mots, mais les mots ne sont que la traduction de la capacité que j'ai à être en relation avec des personnes sur une situation que je ne connais pas. Certes. Parce que vous pouvez avoir complètement l'inverse. Bien sûr. J'ai en tête Katrina, où le patron de la police locale et le maire de Nouvelle-Orléans arrivent à sortir même à la télé et à la radio. Il y a des dizaines d'enfants, de bébés coupés en morceaux, morts, violés. C'est complètement faux, mais ils pètent les plombs. Ils sont en train de dire l'inverse, donc vous pouvez va très bien, tout va très bien, Madame la Marquise, ou l'inverse. Attendez, c'est complètement aberrant, donc on va évacuer Sydney parce qu'il y a un problème à Seveso. Donc vous pouvez avoir une explosion du système de pilotage. Et aujourd'hui, avec les risques que nous avons, nous devons avoir d'autres capacités pour faire face à ces situations qui nous pendent au nez. Quels sont les risques que vous évoquez aujourd'hui avec les risques qu'on prend, dites-vous? Tous, industriels, chimiques, nucléaires. Pouvait avoir quelque chose sur laquelle on a déjà un peu travaillé, c'est l'inondation de Paris. Bon, c'est une affaire absolument colossale qui sort complètement de nos logiques. Après, ça sera, vous avez vu ce qui s'est passé à Rouen sur l'hôpital avec de la cyberattaque, et vous pouvez avoir très bien de l'hybride entre tout ça. Bon, donc on est dans un monde foisonnant dans lequel les petites cases, les petits silos, bon, certes il faut les tenir, mais le vrai sujet c'est quand ça se prend en masse, là, et quand il y a des dynamiques de confusion, est-ce que je suis préparé à ça? Pour le moment, nous avons très très peu de préparation à ce genre de situation, de grande surprise. Et donc à chaque fois, c'est même pathologie, c'est-à-dire ne paniquez pas, et rupture des relations entre l'autorité et les populations. En tout cas, tout ça vaut mieux que lors des inondations de Paris, le président, je ne sais plus qui était le président à cette époque-là, qui ne trouve pas autre chose à dire que d'eau. Voilà, bon, c'était juste pour la plaisanterie au passage. Mais pour Seveso, la situation était-elle vraiment inédite? Il n'y a pas eu d'autres catastrophes de ce genre avant Seveso qui présentent les mêmes caractéristiques? On avait eu une demi-douzaine de problèmes avec des fuites de dioxyde, mais c'était très loin. Et est-ce qu'il y avait des études systématiques? Est-ce qu'on pourrait prendre? Et là, on est loin, parce qu'ils ne produisaient pas de dioxyde. C'est un accident. Quand je parle de surprise, c'est ça. Qu'est-ce que pourrait donner notre produit? Est-ce que le disque de sécurité qu'ils avaient, qui est très bien pour protéger le réacteur, ça c'est parfait, mais qui n'est pas intégré, sûr? Et si on avait cette aberration? Et donc pour 40 euros, vous avez la chambre qui permettait de faire la sécurité. Mais il aurait fallu que quelqu'un pose question. Et ça, dans des systèmes que l'on croit totalement maîtrisés, poser la question est souvent un acte mal ressenti. Encore faut-il qu'il y ait de la transparence également, parce que ces catastrophes industrielles, on entend bien industrielles, elles sont provoquées par des usines ou des centrales qui sont exploitées par des sociétés commerciales, industrielles, qui ne veulent pas forcément, par réflexe, dire « on est fautif, c'est à cause de nous, c'est l'enfer à cause de nous ». Il faut travailler aussi sur la transparence. Oui, mais là, moi, j'ai dans la tête ce que Gilbert Carrère, préfet du Rhône, a fait lorsqu'il y avait eu un problème de PCB, de fuite de PCB assez importante, à Villeurbanne. Oui, il a dit, moi j'ai pris tous les experts, je l'ai mis devant la presse et devant les personnes qui étaient concernées, et je leur ai dit, maintenant vous allez nous expliquer. Et il dit, du même coup, toute inflation verbale a quasiment disparu. Et le préfet était là pour dire, attendez, qu'est-ce que vous ne savez pas? Qu'est-ce que vous ne pourrez pas savoir? Quelles sont les limites de vos connaissances? Il n'est pas là pour dire, je prends dans l'expertise ce qui me permettre de me rassurer en vous rassurant. Il est de dire, attendez, moi, mon rôle, c'est de vous demander quelle est la limite de vos expertises et qu'est-ce qu'on peut dire et comment on peut. Et il dit, immédiatement, l'inflation verbale et l'inquiétude a disparu parce que c'est pas la certitude que je cherche, mais est-ce que les gens en face de moi sont cherchent en compétences et aient le courage d'affronter de manière claire et transparente pour eux-mêmes que c'est une situation difficile. Et c'est ça qui va être testé par des gens en hypervigilance pour essayer de vous tester si vous êtes compétent ou pas. Et ça, c'est très très important. Oui. Alors, on rappelle que Seveso était une vraie catastrophe, puisqu'il y a eu des victimes, pas de morts, mais des gens qui sont tombés malades, des enfants, on se souvient de la photo de la petite Stéphania, ça avait frappé tout le monde. Un spécialiste, le professeur Barra, met les choses au point en février 1977, soit 8 mois après l'accident, on va l'écouter. Il explique notamment pourquoi les enfants ont été les plus touchés. Les enfants sont moins lourds et ont la même quantité de dioxine et en comparaison plus grave pour eux. Et aussi les enfants, ce sont ceux qui se exposent plus facilement à la dioxine qui est sur le sol parce qu'ils jouent et aussi peut-être ils ont mangé des choses qu'ils ont recueillies dans la zone. Mais est-ce qu'on ne craint pas que les adultes, dans quelques semaines, dans quelques mois, soient à leur tour touchés ? On ne peut exclure aucune possibilité. Les recherches sont en train d'être faites. Et aussi, ceux qui ont été faits jusqu'à présent n'ont jamais démontré de la chloracte dans les adultes. À long terme, pour ces enfants, quelles sont les conséquences de cette dioxine ? On ne peut dire. C'est pour ça qu'on a organisé une surveillance sanitaire qui va durer au moins 5 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire ? En l'écoutant, je pensais à quelque chose de très difficile pour ceux qui sont en charge. J'ai passé des heures avec Laura Conti, qui était médecin local et qui a participé à ces débats. Et je voudrais vous le dire, les quelques mots qu'elle me dit. Je vais juste mettre votre micro juste devant vous. Voilà, parfait. Choisir la solution de laisser 12 000 personnes dans la zone B, c'est-à-dire sur un terrain pollué, cela signifiait choisir une lointaine probabilité que quelque enfant puisse un jour être atteint de leucémie plutôt que de choisir de mettre sûrement 2 000 enfants dans une situation de désorientation et d'égarement psychologique et affectif. Mais si on me dit un jour qu'il y a un enfant leucémique dans la zone B, alors peut-être naîtra en moi la douloureuse sensation d'avoir eu tort, un tort terrible, irréparable, que je porterai en moi le restant de ma vie. Elle prend ses responsabilités, c'est clair avec les personnes, et on peut comme ça naviguer dans l'incertitude et même l'inconnu, avec les uns et les autres, mais en respect. Et non pas, taisez-vous, il n'y a pas de problème, ou alors vous évacuez tout le monde et puis on verra bien. Mais, et je ne travaille pas par circulaire, je travaille en correspondance, en lien sur, voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, voilà ce que je ne pourrais pas savoir, mais vous avez 3 questions, j'en ai 50, ça fait 53, et on va travailler ensemble là-dessus. S'il n'y a pas ce lien, on ne peut pas naviguer et traverser ces situations extrêmement difficiles. Il y a une question également tout à fait anxiogène, c'est celle des maladies à retardement. Alors on voit ça avec les catastrophes nucléaires et d'abord avec elles. Hein. Mais là aussi, là on a du chloracné, on a des enfants qui sont touchés, on en voit les résultats douloureux, mais on parle aussi de maladies induites par cette catastrophe et qui peuvent se réveiller plus tard. Alors comment on gère cette angoisse-là ? Parce qu'elle est réelle. Hein. Je pense qu'elle est réelle. Et ce qui va être testé par les personnes qui sont dedans, c'est si ils sont en lien avec quelqu'un à qui on peut prêter sa confiance. C'est-à-dire que il ne va pas vous donner les 3 éléments positifs sur lesquels ça va pouvoir rassurer à bon compte, mais il va vous dire, ben, voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, et on va être avec vous et on va traverser ça ensemble. Et donc, à la limite, mettre sur la table trop d'informations où chacun va faire son marché et on va travailler là-dessus. Et on va pas restreindre les informations et je vais les clarifier. Et je dis, moi aussi, je suis partie prenante de ça. Sur la vache folle, qui était le même problème, est-ce qu'on risque énormément, ou des millions de victimes ou pas du tout, le patron de la commission d'enquête avait dit, dans une situation d'incertitude, il faut résister à la tentation d'apparaître comme ayant toutes les réponses. Et j'aimais bien quelqu'un que j'avais vu qui était en situation difficile, avait gardé dans sa poche un petit papier, une citation de Kant. Et il avait donné ça à tout un auditoire. Prétendre résoudre tous les problèmes, répondre toutes les questions, serait une fanfaronnade si effrontée, une présomption si extravagante, qu'on se rendrait aussitôt par là indigne de confiance. Donc ça veut dire qu'il faut bien être dans la bonne mesure entre la transparence et le propos alarmiste. Eh bien, si on se précipite soit dans la négation, soit dans l'alarmisme pour faire un peu son... on est dans le faux. La vraie situation, c'est de dire, attendez, on va être suffisamment sérieux et respectueux pour vous dire exactement ce qui, à l'instant T, ça peut changer. Je sais, je ne sais pas, pour moi je ne vois pas comment je vais faire, mais nous sommes en lien et je vous respecte. Est-ce qu'on peut donner un exemple qui vous vient à l'esprit, ou maintenant la brûle pour bois, ou un peu plus tard, on va écouter une archive entre deux, d'un exemple d'une catastrophe bien gérée? Bah, c'était un tout petit cas, hein. Mais quand je vous disais le préfet Carrère qui dit bah, je mets tout le monde ensemble et puis on va travailler. Bon, pour moi, c'est l'exemple. C'est quelqu'un, vous le sentez dans les yeux, je le voyais quand je faisais l'interview avec lui, il n'avait pas peur. Il était là et il était responsable. Il ne se cachait pas derrière un papier ou autre chose. Il était parfaitement en phase avec les uns et les autres. Et si quelqu'un lui dit vous n'avez pas la réponse, il dit, évidemment, je n'ai pas la réponse, moi je ne serais pas ici. Alors, Seveso est resté un cas exemplaire, puisqu'on en a fait une classification Seveso. Donc, c'est vraiment une rupture entre une espèce d'insouciance industrielle avant et puis une prise de conscience, précisément. Et Seveso est tellement un cas d'école qu'en mars 77, c'est discuté dans les universités italiennes, Seveso, hein, à Milan, le grand biologiste écologiste, par exemple, Barry Commoner, tient une conférence. Écoutons. Ce qui est arrivé à Seveso, c'est le résultat inévitable de la façon dont l'industrie pétrochimique a été structurée et le résultat des raisons pour lesquelles l'industrie chimique fabrique ses produits. Mais il faut donc comprendre les raisons pour lesquelles des accidents comme celui de Seveso sont inévitables. Il y a une question que l'on doit se poser. Pourquoi, alors que la science se développe si fort, pourquoi est-il impossible de produire une substance comme le trichlorphénol sans en même temps produire une autre, la dioxine, si dangereuse? La réponse, c'est ainsi que l'industrie chimique travaille. En chimie, il peut y avoir des réactions imprévisibles. Voilà, circuler, la chimie est potentiellement dangereuse parce qu'il pourrait y avoir des réactions imprévisibles. Vous partagez ce point de vue. Peut-être est-il réaliste, même s'il n'est pas sympathique. Oui, mais je voudrais aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que nous sommes sur tous les fronts de risque aujourd'hui, face à ces inconnus. Que va donner tous nos univers des GAFA, que va donner, on a vu Cambridge Analytica, c'est quand même assez important sur la démocratie et tout ce que ça peut donner. Donc on est aujourd'hui confronté à des problèmes d'incertitude, d'inconnu absolument majeurs. Si demain nous perdons Internet sur l'ensemble du continent, les effets sont... Des effets dominos terribles. Phénoménaux. Et là, effet domino rapide... Bon, donc nous sommes confrontés à cela. Donc est-ce que l'on peut se former à être extrêmement vigilant sur la prévention, ce qui n'était pas le fait à Seveso? Est-ce qu'on peut être extrêmement préparé à se dire dans son esprit, je vais être confronté à des problèmes pour lesquels je n'ai pas déjà les solutions? Et est-ce que je peux être confronté à comment vous allez tisser des liens de confiance avec des populations qui vont vous demander, est-ce que vous êtes sérieux ou pas? Bien sûr. Dernière question, quel est votre regard sur la catastrophe d'AZF et sa gestion? 2001. Septembre 2001. AZF, énorme surprise. Avec, au départ, vous sortez complètement des logiques de plan. C'est-à-dire que les premiers messages qu'il y avait au SAMU, c'est « il y a des bombes dans tout Toulouse ». Vous allez où avec ça? Ah oui. La deuxième surprise qu'ils ont au SMUR et au SAMU, c'est que les premières victimes sont dans l'hôpital. Ils ont reçu des morceaux de verre. La troisième, c'est que c'est les victimes elles-mêmes qui leur démontrent où est la situation. Et en général, on a 30-40 minutes avant que les populations arrivent. Non, là, il y a des centaines de gens qui arrivent dans les hôpitaux tout de suite. Et puis on leur dit, il faut fermer les vitres et les entrées d'air parce qu'il y a un nuage au-dessus. Oui, mais là, il n'y a plus de vitres et il n'y a que des entrées d'air. Ouais. Et en plus, dernier élément, est-ce que l'hôpital tient encore physiquement? Donc voilà le genre de problème extrêmement complexe dans lequel on se retrouve rapidement. Et ce sera le mot de la fin, Patrick Lagadec. Il me reste à vous remercier pour toutes les informations, les détails et les éclairages que vous nous avez apportés. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la catastrophe de Seveso, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Antoine Gomez.